Lettre 53e. De la manière de faire l'amour à l'anglaise. Comparaison et conversation à ce sujet. Fausses idées des Français sur les usages d'Angleterre. Il arrive parfois que l'on se trouve inopinément lancé dans la conversation la plus franche et la plus pleine d'abandon, sans avoir eu, en la commençant, la moindre idée ou la plus légère intention de faire ou de recevoir une confidence. C'est ce qui m'est arrivé il y a quelques jours pendant une visite du matin que j'étais allé faire à une dame que je n'avais vue que deux fois et avec qui je n'avais jamais échangé plus de 20 paroles. Mais dans cette occasion, nous nous trouvâmes à peu près tête à tête et nous entamâmes, je ne pourrais pas dire à quelle occasion, une discussion fort animée sur les particularités distinctives de nos deux nations. Madame B n'avait jamais été en Angleterre, mais elle m'assura que la curiosité qu'elle se sentait de visiter notre pays était aussi forte que celle qui entraînait Robinson Crusoe. « Au milieu des sauvages ? » interrompis-je. « Non, non, non, à rechercher tout ce qu'il y a de plus curieux sur la terre. » La phrase « ce qu'il y a de plus curieux » me parut prêter à l'équivoque, et je lui en fis l'observation en lui demandant si elle l'appliquait au musée ou aux habitants. Elle hésita un moment, puis d'un ton si aimable, et si enjoué qu'il n'aurait pas manqué de désarmer le patriote le plus incarné, elle répondit « Eh bien donc, aux habitants ?»« Il me semble, dis-je, que nous avons grand soin de ne pas vous laisser manquer d'échantillons de notre race, et vous pouvez les examiner à loisir. Je ne sais, d'après cela, s'il vaut la peine que vous passiez le détroit pour les mieux voir. Nous en venons en nombre si prodigieux en France que je ne conçois pas que vous puissiez avoir quelque curiosité à notre égard. » « Au contraire, reprit-elle, ma curiosité n'en est que plus piquée. J'ai vu tant de délicieux Anglais ici que je meurs d'envie de les voir chez eux au milieu de tous ces singuliers usages qu'ils ne peuvent apporter en France et que nous ne connaissons que par les rapports imparfaits des voyageurs. » Il semblait, à l'entendre parler, qu'il fût question des bonnes gens de la crique de Mango ou de la baie de Karakou. Mais n'étant pas moins curieuse de mon côté, de savoir quelles étaient ses idées sur les Anglais, qu'elles voulaient voir dans leurs demeures éloignées, et au milieu de leurs singuliers usages, je la priai de m'apprendre tout ce qu'elle avait entendu dire sur notre compte. « Vous allez le savoir, me dit-elle. Ce que je dis avoir par-dessus toute chose, c'est la manière de faire l'amour tout à fait à l'anglaise. Vous savez que vous êtes tous si polis que vous prenez toutes nos modes quand vous venez chez nous. Mais un de mes cousins, qui était attaché il y a quelques années à l'ambassade française à Londres, m'a décrit la manière dont vous arrangez vos affaires d'amour comme si romanesque, que ça m'a absolument enchanté, et je donnerais tout au monde pour voir comment cela se fait. « Veuillez me dire comment il vous l'a décrite, répondis-je, et je vous promets de vous déclarer bien sincèrement si le portrait est exact. Oh, que vous êtes bonne !»« Eh bien donc, continua-t-elle, en rougissant un peu, sans doute par l'idée qu'elle allait dire quelque chose de bien atroce. Je vais vous raconter précisément ce qui est arrivé à mon cousin. On lui avait donné une lettre de recommandation pour une personne fort riche, membre du Parlement, qui habitait avec sa famille son château situé dans une province, et mon cousin lui fit parvenir la lettre. Il reçut immédiatement une réponse fort polie avec une invitation pressante de venir sur le champ au château pour passer un mois de la saison des chasses. Rien ne pouvait lui être plus agréable que cette invitation qui lui procurait la meilleure occasion possible d'étudier les mœurs du pays. Tout le monde peut aller de Calais à Londres et dépenser son revenu de 6 mois à se promener pendant 6 semaines, à pied ou en voiture, dans les larges rues de Londres. Mais vous savez qu'il est fort difficile d'obtenir l'entrée des châteaux de la noblesse. Enfin, mon cousin, enchanté, se mit en route immédiatement. Il arriva tout juste à temps pour arranger sa toilette avant le dîner, et quand il entra dans le salon, il fut tout à fait ébloui de l'extrême beauté des 3 filles de son hôte, qui étaient parées à ce qu'il dit, comme si elles allaient partir pour le bal. Il n'y avait personne que lui, et il fut un peu surpris d'être reçu avec tant de cérémonie. Les jeunes personnes chantèrent, et mon cousin, qui est musicien, était dans le ravissement. Il m'assurait que si son admiration n'avait pas été si également partagé entre les 3 sœurs, il serait inévitablement devenu amoureux de l'une d'elles avant la fin de la soirée. Le lendemain matin, la famille se réunit de nouveau pour le déjeuner. Les jeunes personnes étaient aussi charmantes que la veille, et il ne pouvait toujours décider laquelle des trois il admirait le plus. Pendant qu'il s'efforçait d'être aussi aimable qu'il pouvait, et qu'il leur parlait à toutes avec ce respect timide, avec lequel un Français a coutume de s'adresser à des jeunes personnes, le maître de la maison surprit mon cousin et l'effraya même un peu en lui disant « Nous ne pouvons pas chasser aujourd'hui, mon ami, car j'ai des affaires qui me forcent à rester au château. Vous montrez à cheval avec Élisabeth, elle vous fera voir mes faisans. Élisabeth, préparez-vous à accompagner monsieur. » À cet endroit, Madame B. s'arrêta tout court et me regarda, croyant sans doute que j'allais faire quelque observation. « Eh bien ?» fut tout ce que je dis. « Eh bien ?» répéta-t-elle en riant. « Vous ne trouvez donc rien d'étrange à ce procédé, rien qui sorte des usages ordinaires ?»« Sous quel rapport » demandai-je. « Qu'est-ce que vous trouvez dans cette conduite qui sorte des usages ordinaires ?»« Cette question, » s'écria-t-elle en joignant les mains, enchantée de la découverte qu'elle venait de faire, « cette question me met plus au fait de ce que je voulais savoir que tout ce que vous auriez pu me dire. » Elle est la plus forte preuve que ce qui est arrivé à mon cousin est un événement que l'on voit tous les jours en Angleterre. Mais que lui est-il donc arrivé? Ne vous l'ai-je pas dit? Le père des jeunes personnes qu'il admirait tant choisit l'une d'elles et prit à mon cousin de l'accompagner dans les bois. Ma chère dame, les mœurs nationales sont si différentes. Du reste, je vous conjure de ne pas m'attribuer la pensée que les choses ne puissent pas s'arranger fort bien de cette façon. Mon cousin est un jeune homme fort distingué, il a une excellente réputation, et il héritera un jour de la fortune de son père. Seulement, la manière est si différente. « Votre cousin accompagna-t-il la jeune personne ? » demandai-je. « Non, il repartit sur le champ pour Londres. » Elle me fit cette réponse avec tant de sérieux. Elle montra si clairement qu'elle ne voulait pas dire tout, que ma gravité et ma politesse m'abandonnèrent à la fois. J'éclatai de rire malgré moi. Mon aimable interlocutrice ne s'en offensa pas et se mit au contraire à rire de son côté. Quand nous eûmes repris notre sérieux, elle dit « Vous trouvez donc mon cousin fort ridicule d'avoir quitté si précipitamment le château. Un peu timide, peut-être ? » « Oh non !» répondis-je, « seulement un peu trop prompt. »« Trop prompt ? Mais que voulez-vous ? Vous avez l'air de ne pas comprendre son embarras. »« Peut-être pas complètement, mais je puis vous assurer que son embarras aurait bientôt cessé s'il avait osé sortir avec cette demoiselle et son écuyer. Elle l'aurait sans doute conduit dans une de nos belles faisanderies qui mérite d'être vue, mais très certainement, elle aurait été fort étonnée et fort embarrassée à son tour si votre cousin s'était mis en tête de lui faire la cour. « Parlez-vous sérieusement ? » demanda-t-elle en me regardant fixement au visage de l'air du plus grand intérêt. « Très sérieusement. Et quoique je ne connaisse pas les personnes de qui vous parlez, je puis vous assurer positivement que c'est seulement par la conviction qu'un homme aussi bien recommandé que votre cousin était incapable d'abuser de la confiance qu'on lui témoignait, que ce père anglais lui permit d'accompagner sa fille dans sa promenade du matin. « C'est donc un trait sublime, » s'écria-t-elle, « quelle noble confiance, quel honneur délicat. Cela me rappelle les paladins d'autrefois. Vous vous moquez, je pense, de notre confiante simplicité, mais en tout cas, je vous prie de ne pas croire que moi je me moque de vous. » Car ce que je viens de vous dire est la chose la plus simple et la plus certaine du monde. « Je n'en doute pas, » reprit-elle, « mais ainsi que je viens de vous le dire, vous êtes, on ne saurait plus romanesque. » Elle eut l'air de méditer un moment, puis elle ajouta, « Dites-moi un peu, cela n'est-il pas un peu contraire à ce que nous lisons dans les romans fashionables sur la manière dont on procure des maris aux jeunes personnes en Angleterre ? Vous savez que vous vous refusez le privilège de disposer de vos filles conformément aux intérêts mutuels, et conséquemment, comme il faut en définitive que ces filles se marient, il devient nécessaire que les parents aient recours à d'autres moyens. Tous les Français savent cela, et cela fait qu'ils sont trop prompts à imaginer qu'on veut les engager au mariage en les captivant par des charmes extérieurs. Cette conclusion est si naturelle que vous devez réellement la pardonner. Je vous la pardonne de bien grand cœur, mais comme nous avons promis de ne pas nous mystifier réciproquement, j'aurais tort de vous laisser croire que pour procurer des maris aux jeunes personnes, il soit d'un usage reçu en Angleterre de les envoyer faire du sentiment dans les bois avec le premier venu. Mais ce que vous avez dit sert à m'expliquer un passage que je lisais l'autre jour dans un ouvrage français et dont le sens m'embarrassa beaucoup. Il s'agissait d'une jeune fille qui avait été abandonnée par son amant, et quelqu'un, reprochant à celui-ci sa conduite, se sert à peu près de ces termes, après l'avoir compromise autant qu'il est possible de compromettre une jeune miss, ce qui n'est pas une chose absolument facile dans la bienheureuse Albion, etc. Ce passage m'avait embarrassé, plus que je ne puis vous le dire, car le fait est que nous regardons comme une chose si effroyable de compromettre une jeune personne qu'excepté dans les romans, où il faut absolument que les malheurs de l'héroïne passent toute mesure, en dépit des probabilités et des mœurs nationales, elle n'arrive jamais. Et cela, non pas parce que rien ne peut la compromettre, mais parce que rien de ce qui pourrait la compromettre n'est permis ni même tenté. Dans les classes inférieures à la vérité, les histoires de séduction ne sont que trop fréquentes. Mais l'examen des mœurs nationales auxquelles nous nous livrons en ce moment ne se rapporte qu'aux classes moyennes et élevées de la société. Madame B. m'écouta avec l'attention la plus soutenue, et après que j'eus fini de parler, elle garda le silence, comme si elle eût réfléchi à ce qu'elle venait d'entendre. À la fin, elle me dit d'un ton beaucoup plus sérieux que celui qu'elle avait pris jusqu'alors. « Je suis bien sûr que tout ce que vous m'avez dit est parfaitement exact. Votre voix me persuade que vous n'avez l'intention ni d'exagérer ni de plaisanter. Cependant, je ne puis vous cacher l'étonnement que me font éprouver vos discours. L'opinion reçue parmi nous est que les infidélités cachées des femmes mariées sont moins fréquentes en Angleterre qu'en France, parce qu'il paraît entrer essentiellement dans vos mœurs de faire un grand scandale. Toutes les fois qu'une pareille circonstance arrive, ce qui, joint aux amendes prononcées par les tribunaux, doit indubitablement agir à cet égard comme un préservatif. Mais de l'autre côté, on pose généralement au fait que vous êtes aussi indulgent pour les faiblesses des demoiselles que sévère pour celles des femmes mariées. Dites-moi, je vous en prie, s'il y a quelque vérité dans cette opinion. Pas la moindre, je puis vous l'assurer. Je suis persuadé, au contraire, qu'il n'y a pas de pays au monde où l'on exige de la part des femmes non mariées une conduite plus parfaitement pure et plus strictement conforme aux convenances qu'en Angleterre. La médisance ne peut les atteindre, car de même que tout le monde sait qu'un juif ne peut être membre du Parlement, on sait aussi qu'une jeune personne soupçonnée d'une faute meurt sur le champ de mort civile. Elle quitte la société pour tomber dans un abîme où elle demeure complètement oubliée. C'est pour cela que je n'ai pas craint de dire qu'une réputation compromise parmi les femmes non mariées en Angleterre est une chose qui ne se voit jamais. Nous nous sommes donc singulièrement trompés sur tout cela, dit Madame B. Mais les femmes mariées qui ne sont plus jeunes, continua-t-elle, pardonnez-moi, croit-on réellement qu'elles passent leur vie sans commettre une seule imprudence? Le ton dont cette question me fut faite annonçait que l'on regardait comme absolument impossible que je puisse y répondre affirmativement, que je perdis encore mon sérieux et me remis à rire de bon cœur. Mais au bout d'un moment, je l'assurais très gravement que cela était incontestable. La manière naïve dont elle prononça à son tour les mots « est-il possible ?» aurait pu faire la fortune d'une actrice à ses débuts. Mais dans cette occasion, son étonnement n'était point joué. Madame B. m'assura même que cet étonnement serait partagé par toute Française qui serait, comme elle, assez heureuse pour recevoir de pareils renseignements d'une bouche non suspecte. Quant aux hommes, ajouta-t-elle en riant, je doute fort que vous en trouviez de si croyants. Notre conversation se prolongea pendant assez longtemps encore, mais quand je vous la répéterai tout entière, vous n'y trouveriez que la confirmation du même fait, savoir qu'il existe en France, parmi ceux qui ne connaissent pas parfaitement les mœurs anglaises, une très forte conviction que la manière dont les mariages s'arrangent, par les jeunes gens plutôt que par les parents, produit sur la conduite de nos femmes non mariées un effet qui non seulement n'existe pas, mais qui est encore si parfaitement absurde qu'une idée semblable n'aurait même jamais pu entrer dans la tête d'un Anglais. Il y a si peu d'occasions pour qu'une intimité quelconque s'établisse entre des Anglaises et des Françaises qu'il ne nous est pas très facile de découvrir ce qu'elles pensent réellement de nous. Madame B. ne prononça pas un mot qui peut me faire soupçonner qu'il se mêla le moindre sentiment de réprobation ou de mépris à son opinion de la liberté extraordinaire qu'elle voyait que nous accordions aux jeunes personnes. Il était impossible de montrer plus d'indulgence qu'elle en parlant de ce qu'elle appelait nos singularités nationales. La seule chose qui donna lieu de sa part à une expression un peu dure fut la manière dont nos divorces sont obtenus et payés. Se faire payer pour une aventure semblable, publie un scandale si ridicule, si offensant pour son amour-propre, si fortement contre les bonnes mœurs, pour en recevoir de l'argent, était selon elle parfaitement incompréhensible dans une nation de si braves gens que les Anglais. Je fis de mon mieux pour défendre notre manière de procéder en pareil cas, en alléguant la justice et la morale, mais les préjugés des Français sur ce point sont trop enracinés pour pouvoir être ébranlés par une éloquence comme la mienne. Nous nous séparâmes toutefois les meilleurs amis du monde et fort contentes l'une et l'autre des renseignements que nous avions obtenus. Cette conversation n'offre qu'un seul exemple parmi une foule d'autres, des erreurs dans lesquelles les Français tombent journellement quand ils parlent de l'Angleterre. N'est-il pas juste de penser aussi que, dans bien des cas où nous nous croyons parfaitement instruits de ce qui a rapport à la France, nous commettons des bévues non moins grossières? Il est certain que la mode, devenue depuis peu si générale, d'aller passer 8 ou 15 jours à Paris, doit avoir familiarisé une foule de personnes avec l'aspect extérieur du pays entre Calais et la capitale, ainsi qu'avec la plupart des objets les plus remarquables de Paris lui-même, avec ses églises et ses salles de spectacle, sa petite rivière et ses grands cafés. Mais il n'y a qu'un bien petit nombre de ces voyageurs pressés qui voient la société française autre part que dans les lieux publics, ce qui leur donne de cette société une idée à peu près aussi juste que celle que donneraient de l'Angleterre nos romans et nos journaux à celui qui se contenterait de les lire. J'ai eu plus d'une occasion de juger par moi-même, tant parmi les Anglais que parmi les Français, combien peu ces visites passagères sont réellement instructives. Mais la preuve la plus forte m'en a été offerte à un dîner chez une dame veuve qui comprend parfaitement notre langue, qui lit beaucoup de livres anglais et qui s'intéresse particulièrement à leurs auteurs. Elle n'a pourtant jamais été en Angleterre et elle éprouve une sorte de vénération pour ceux d'entre ses compatriotes qui, plus heureux qu'elle, ont pu nous voir face à face sur notre propre sol. Le jour que je dînais chez elle, un de ces grands voyageurs me fut présenté comme un homme qui connaissait parfaitement notre pays. Son nom fut placé sur le couvert à côté de celui qui m'était destiné à table, et il était clair que l'on espérait nous être mutuellement agréables en nous procurant l'occasion de lier conversation ensemble. Ne l'ayant jamais vu ni avant ni depuis, et bien convaincu que je ne le reverrai de ma vie, je ne crois pas commettre une indiscrétion en vous faisant part de quelques-unes des idées que dans le cours de ses voyages, il s'était formé au sujet de l'Angleterre. La première remarque qu'il fit après que nous fûmes placés à table fut celle-ci. « Je ne crois pas que vous usiez de serviettes en Angleterre. Ne les trouvez-vous pas un peu embarrassantes ?» Voici la seconde. « J'ai remarqué pendant mon séjour en Angleterre qu'il n'est pas d'usage de manger de la soupe. J'espère pourtant que vous ne la trouvez pas désagréable au goût. Vous n'avez pas, je crois, de cuisine nationale, » fut sa troisième remarque, et il se montra réellement éloquent sur cette singularité dans nos coutumes. Cependant, après tout, ajouta-t-il, comme pour me consoler, la France est au fait le seul pays qui en est une, celle d'Espagne est trop huileuse, celle d'Italie trop épicée. Nous avons envoyé des artistes en Allemagne, mais la cuisine qu'ils font ne peut pas s'appeler cuisine nationale. À vrai dire, cependant, le roast beef d'Angleterre ne vaut guère mieux que la viande sèche des Tartares. Un Français mourrait de faim en Angleterre si son bonheur ne l'amenait pas chez quelqu'un des artistes importés de France. Heureusement, cela n'est pas difficile à présent. Je lui demandai s'il avait dîné souvent dans des maisons particulières. Non, mon temps était trop occupé pour pouvoir me le permettre. Nous avons pourtant quelques bons hôtels à Londres. Mais point de table d'hôte, répondit-il en haussant les épaules. Mais j'ai pourtant trouvé moyen de m'arranger assez bien, car je n'ai jamais dîné autre part que dans les célèbres établissements de Leicester Square. C'est, je crois, le quartier le plus à la mode de Londres, ou du moins celui où se trouvent les restaurants les plus suivis. Je pris la liberté de lui faire observer, bien poliment, qu'il y avait des quartiers à Londres plus à la mode et des hôtels où l'on faisait une meilleure cuisine que dans ceux de Leicester Square. Mais cette observation parut déplaire aux voyageurs, et la belle harmonie qu'on avait voulu établir entre nous en fut évidemment ébranlé, car je lui entendis dire à demi-voix à la personne assise de l'autre côté et qui avait écouté attentivement notre conversation, « Pas exact.